Et lorsque tu sauras que le polythéisme ou l'associationnisme se mêle à l'adoration, eh bien, il la corrompt et annule toutes les actions et rend celui qui le commet parmi les éternellement damnés à l'enfer. Tu sauras dès lors que la chose la plus importante pour toi, c'est de connaître cette chose. Il se peut alors qu'Allah te sauve de ce piège qui est l'association à Allah, au sujet duquel il dit, dans la traduction du sens du verset 116 de Sourate An-Nisa, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. On va pas continuer à lire le reste, c'est-à-dire la première règle. On va passer aux explications de Cheikh Saleh al-Cheikh Hafidhahullah. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On le traduit comme cela et parfois on peut le trouver dans certaines traductions, comme on l'a lu précédemment, le clément, le miséricordieux. Donc le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Esallallah al-Karim Rabb al-Arsh al-Azim an yatawallaka fi d-dunya wal-akhirah. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idha utiya shakar wa idha ibtuliya sabar wa idha adhnaba istaghfar fa inna ha'ula'i thalath unwan as-sa'adah. Alors c'est cette partie-là que le Cheikh Saleh al-Cheikh Hafidhahullah commence à expliquer. Dans cette invocation de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, lorsqu'il dit « Je demande à Allah le généreux, Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il te bénisse où que tu sois, et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, patient lorsqu'il est éprouvé, et repentant lorsqu'il est pécheur, car ces trois qualités sont les signes du bonheur. » قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد Donc le Cheikh loue Allah, le Seigneur des mondes, et il dit qu'il témoigne, donc je témoigne que nulle divinité n'est digne d'adoration en toute vérité excepté Allah, seul, sans associé, et je témoigne que Muhammad est le serviteur d'Allah et son envoyé, et que les louanges d'Allah et le salut soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ainsi que sur sa famille. Donc on avait vu hein, dans les cours que sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, que Allah littéralement, on lirait que Allah prie. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est voulu en fait. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah azza wa jal, il fait les éloges du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux anges. Donc c'est ça, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les éloges d'Allah et le salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. Par ce qui suit. فَإِنَّ هَذِهِ النُّبْذَةَ الْمُخْتَصَرَةَ الْقَوَاعَدَ الْأَرْبَعَ مِنَ النُّبَذَ الْمُهَمَّةَ Donc il dit ici le cheikh que, eh bien, cette lettre-là, en fait, ce livret-là, des quatre règles, eh bien, fait partie des livrets résumés, mais qui ont une importance énorme. C'est court, mais ils ont une importance qui est énorme. Min maqal imam hadhihi ad-da'wa rahimahullahu ta'ala wa ahamiyyatuha ta'ti bi ma'rifati mudaddat tilka al-qawa'id al-arba'a. Donc il dit en fait l'importance, et c'est pour ça que ces quatre règles-là ont une importance énorme dans la compréhension en fait de la croyance. L'importance est due au fait que on comprend par cela ce qui oppose en fait ce que l'on doit connaître. وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم الضبط تلك القواعد يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين. Et donc il dit en fait, et la mauvaise compréhension ou bien le fait de ne pas méditer dessus et comprendre ce qui est voulu dans ces quatre règles-là, eh bien cela mène à une incompréhension concernant l'état des polythéistes et des associateurs, et une incompréhension de comprendre l'état des monothéistes. Et on comprend bien que les différents groupes et sectes égarés qui n'ont même pas l'opportunité de méditer sur ce genre de texte, eh bien on les comprend qu'ils ne comprennent pas la religion des polythéistes, ils ne comprennent pas la mécréance des polythéistes, ils ne comprennent pas également l'état des monothéistes, des mouahidines. Et donc, tout cela est dû en fait à une mauvaise compréhension de cela. Lorsque on ne connaît une chose que lorsque l'on connaît son contraire. Et si on ne connaît pas le contraire d'une chose, alors on ne connaît pas la chose dont on prétend connaître. C'est pour cela que le shir dit وَأَنَّ الْإِخْلَالِ بِهَذِهِ الْقَوَاعَدِ الْأَرْبَعَ أَوْ عَدْمُ الضَّبْتِ تِلْكَ الْقَوَاعَدِ يَقَعْ مَعَهُ لَبْسَ عَظِيمٍ فِي مَعْرِفَةِ حَالِ الْمُشْرِكِينَ وَحَالِ الْمُوَحِدِينَ. L'incompréhension de ces quatre règles mène que l'individu, eh bien, aura des équivoques ou une incompréhension vis-à-vis de l'état des associateurs et l'état des monothéistes. وَالِبْتِلَى وَقَعَ بِحَالْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَبِحَالْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فِي الْقُرْآنِ بَيَّنَ مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّهِ فِي تَوْحِيدِهِ وَبَيَّنَ الشِّرْكِ بِهِ بَيَانًا عَظِيمًا. Et le Cheikh Hafidhahullah mentionne que Allah Azza wa Jal a clarifié le droit qu'on doit lui vouer concernant le pur monothéisme que l'on doit vouer à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a clarifié cela, il a détaillé cela et il a également clarifié l'associationnisme, le polythéisme, en le clarifiant, mais vraiment d'une façon vraiment claire et détaillée. Et on se rend compte, barakallahu fikum, que le fait qu'Allah Azza wa Jal a clarifié l'état des monothéistes et a clarifié l'état des polythéistes et des associateurs, eh bien on comprend par cela que lorsque ces deux voies sont bien claires, on sait quelle est la voie des monothéistes et sur quoi ils se tiennent. Naam, ehi. Naam. Naam. C'est un salon sur le menhej des pieux prédécesseurs sur la salafia. Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, lorsqu'on voit que Allah Azza wa Jal a bien clarifié ces deux voies, eh bien, on comprend quelle est la voie des croyants, des monothéistes, et on la suit, et quelle est la voie des associateurs et des polythéistes, et on s'en écarte, et on s'en désavoue. Donc, on comprend bien ici l'application de l'alliance et du désaveu. Et notamment, comme Allah Azza wa Jal dit dans sa parole, « Wa li tastabina sabila al-mujrimin » et que soit clarifiée la voie des criminels. Allah Azza wa Jalla a clarifié la voie des criminels. Donc Allah Azza wa Jalla a bien clarifié cette voie-là et il a bien clarifié la voie des croyants. Donc, parce qu'on ne connaît une chose que lorsque l'on connaît son contraire. Wa hadhihi al-qawa'id al-arba' ma'khudha min nusus al-kitab was-sunnah wa min ma'rifat hal al-arab kama sayati fa hiya qawa'id 'azima ta'simu man hafadhaha وعلم معناها من أن يكون عنده ترددا في مسائل الحكم على أهل الإشراك وعلى وجوب إخلاص الدين لله جل وعلا وكيف يكون ذلك. Donc il dit, eh bien, ces quatre règles là sont tirées des textes du livre d'Allah et de la Sunna, de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la connaissance de l'état des Arabes, comme nous allons le voir, comme dit le cheikh, Hafidhullah. Donc ce sont des règles qui sont importantes et qui préservent l'individu qui les mémorise et qui a compris le sens, eh bien, il le préserve d'avoir des doutes concernant l'état des associateurs et des polythéistes. Et il comprend également l'obligation de vouer avec sincérité la religion à Allah le Très-Haut. Et il comprend également comment donc il peut appliquer tout cela. Imam al-Da'wa rahimahullah, كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهت إليه. Donc il dit, eh bien, l'imam de la da'wa, rahimahullah, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, de son habitude et dans ses nombreux livrets, il commence, comme on peut le remarquer, hein, avec des invocations, avec une invocation pour celui donc qui lit cette risale-là, ce livret-là, ce message-là qu'il a écrit. Donc des invocations pour celui qui lit ou pour ceux pour qui elle a été destinée. وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى العلم ومبنى الدعوة الرحمة. Il dit ici, il faut donc prêter une attention sur le fait que sur quoi est bâtie donc la science et sur quoi est bâtie donc l'invitation à Allah Azza wa Jal, eh bien c'est bâti sur la miséricorde. Sur la miséricorde. Ar-Rahma wa Tarahum bayna al-Mu'allim wa al-Muta'allim. C'est la miséricorde, le fait d'être miséricordieux entre cette miséricorde-là qu'il y a entre celui qui enseigne et celui qui est enseigné. Donc qui reçoit l'enseignement. وَالرَّحْمَ وَالتَّرَاحُمْ بَيْنَ الدَّاعِيَ وَالْمَدْعُو. Et donc il y a donc cette miséricorde-là entre le prédicateur et celui qui est invité. لِأَنَّ الرَّحْمَ فِي ذَلِكَ هِيَ السَّبَبُ التَّوَاصُلِ. Parce que la miséricorde, dans cela, eh bien, c'est une cause donc d'avoir ce contact-là entre celui qui enseigne et celui qui est enseigné, le prédicateur et celui à qui la da'wa est destinée. قَالَ جَلَّ وَعَلَى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنت لهم. D'accord, barakallahu fik. Donc il y a aussi le lien du site internet, de toute façon ils peuvent, inshallah, bidnillah, jeter un coup d'œil sur le site officiel, bidnillah, que j'envoie un œil, barakallahu fik. Donc comme Allah Azza wa Jal dit, de par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, de par cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tu as été doux envers eux. يعني فبرحمه من الله لنت لهم. C'est de par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il y a un problème dans le son. Barakallahu fik akhi. Je pense que lorsque j'ai dû copier-coller... Est-ce que vous m'entendez maintenant? Barakallahu fik. Parce que lorsque j'ai dû copier-coller, ça a dû enlever le micro. Barakallahu fik. Donc, فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est de par la miséricorde d'Allah que donc tu as été doux envers eux. يَعْنِي فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est de par cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal que tu as été doux envers eux. Et donc il dit le cheikh Hafidahullah, fait du'a hadha natij 'an ar-rahma. Cette invocation là, d'accord, eh bien découle de la miséricorde. Wa hakadha yanbaghi 'ala al-mu'allim wa 'ala ad-da'iya. Et c'est comme ça que l'enseignant ou l'éducateur ou le prédicateur, eh bien, doivent agir. وَعَلَى الْأَمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى النَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَكُونَ رَاحِمًا لِلْخَلْقِ. Tout comme à celui qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable, eh bien, qu'il soit miséricordieux envers les créatures. كما وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Comme Allah Azza wa Jal donc a décrit son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dans Sourate Al-Anbiya, le verset 107, dans la traduction du sens du verset où Allah Azza wa Jal dit: et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Wa qala wa bil mu'minina raoufum rahim. Il a cette miséricorde-là, cette sifa-là, vous voyez, comme dans le verset de Sourate Al-Anbiya, tout comme dans le verset de Sourate At-Tawbah. De Sourate At-Tawbah, où Allah Azza wa Jal dit: et donc, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et ensuite, le Cheikh Hafidhahullah avait mentionné une maqala de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, fi wasfi hal al-da'i ila Allah ma'a ahl al-ma'asiyah wa ahl al-nufur an al-haq. Il dit ce que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ce que l'imam, inshallah, barakallahu fik khiziyat, ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah donc a décrit, donc l'état de celui qui invite à Allah lorsqu'il s'adresse aux gens des péchés et aux gens de ceux qui fuient la vérité. قال في ذلك واجعل لوجهك مقالتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتين لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. Et donc ça c'est une partie en fait, parce que donc cette maqala-là de l'imam Al-Qayyim rahimahullah, elle est un peu plus longue. Et donc le Cheikh avait mentionné une partie de ce que disait l'imam Al-Qayyim rahimahullah, comment que tu dois agir envers ceux que tu invites. Que ce soit celui qui commet des péchés, qui désobéissent à Allah Azza wa Jal, et ceux qui fuient la vérité. Qui commet des péchés et le mubtadi innovateur qui invite à la bid'a, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui confondent les deux. Il y a beaucoup de musulmans qui confondent les deux. Lorsque les savants de la sunna expliquent avec clarté que l'alliance et le désaveu qui s'appliquent dans la première attestation de foi, la ilaha illallah, et elle s'applique également dans la deuxième attestation de foi, wa anna muhammadan rasulullah. Dans la première attestation de foi, on s'allie avec les musulmans, ceux qui aiment Allah Azza wa Jal. On s'allie avec les monothéistes. Et on se désavoue des polythéistes et des associateurs. D'accord ? Tandis que dans la deuxième attestation de foi, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on s'allie avec les gens de la sunna et on s'écarte et se désavoue des gens de la bid'a, de l'innovation. L'alliance et le désaveu, elles s'appliquent dans les deux attestations de foi. Tout comme l'associationnisme oppose le monothéisme, le shirk oppose le tawhid, et bien dans la deuxième attestation de foi, la bid'a oppose la sunna. Donc, le fait de boycotter les gens de l'innovation, et bien on se rapproche d'Allah Azza wa Jal de par cet acte-là. Donc, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal en appliquant ce désaveu des innovateurs. Donc, on ne mélange pas lorsque tu as un différend avec un frère d'un point de vue de dunya, un problème de dunya ou quoi que ce soit. Eh bien, en effet, tu ne dois pas dépasser 3 jours à être en colère contre lui. Tandis que le mubtadi innovateur qui invite à son innovation, parce que là, on ne parle pas des gens qui suivent aveuglément et que peut-être que si tu le prends à part, eh bien, et que tu lui fais une nasiha, Peut-être qu'il comprendra, inshallah, et qu'il acceptera, bi-idhnillah. Là, on parle de l'innovateur qui invite à son innovation. D'accord? Eh bien, cet individu-là, on ne s'assoit pas avec ces gens-là, on ne leur donne pas le selam, on ne leur sourit pas, et on s'écarte et on les boycotte. D'accord? Parce que on ne s'assied pas avec des gens qui accusent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi le dîn, comme l'imam Malik rahimallah a mentionné dans cette maqala que l'imam Shatibi rahimallah a rapporté dans son livre Al-I'tisam. Donc le boycott ici de plus de 3 jours, on les boycotte jusqu'à yani qu'ils comprennent qu'ils sont dans le faux. Et donc on ne doit pas faire cette erreur là que certains frères font, qui s'affilient au manhaj et qui se disent mais non, je vais m'asseoir avec eux et je vais essayer de leur faire leur da'wa. Le mubtadi', il est convaincu qu'il est dans le bien. Sofiane al-Thawri, rahimallah, a dit « Al-Bid'a ahabu ila Iblis min al-Ma'asiyah ». L'innovation est plus aimée auprès d'Iblis que le péché. Iblis, le shaitan, il préfère l'innovation que le péché. Parce que l'individu qui pêche, au fond de lui, il sait qu'il a fait quelque chose qui était haram, qui n'était pas bien. Donc ça, il le reconnaît. Et Inch'Allah, donc, il va se repentir, bi-idhnillah. Tandis que le mubtadi', qui sort 4 mois comme Jama'at al-Tablir ou les soufis qui sautent dans leur mosquée, etc. Eh bien, ces individus-là, ils sont convaincus de leur égarement. C'est-à-dire que lorsque tu lui dis « Crains Allah, reviens vers Allah, repens-toi », il ne comprend pas pourquoi tu lui dis ça, parce que lui, au contraire, il lit le Qur'an en groupe, il fait le dhikr en groupe et il pense qu'il n'y a aucun mal dans cela. Et il te voit toi comme quelqu'un qui déteste la lecture du Qur'an et qui déteste la da'wah et qui déteste etc. etc. Donc, on ne doit pas faire cette erreur-là en voulant rentrer dans les débats avec les gens de l'innovation, parce que parmi les attributs des gens de la sunna, c'est qu'ils ne rentrent pas dans les débats. Et ils s'écartent des gens de l'innovation et ils les boycottent. D'accord ? Et on ne leur donne pas le selam parce que les savants de la sunna ont bien expliqué que le selam, il y a dans cela de l'amour que l'on éprouve pour l'individu à qui on salue. Et donc, on se doit donc de s'écarter de ces gens-là. Donc, c'est pour cela que, barakallahu fikum, ce que disait le cheikh ici, lorsqu'il mentionne les versets « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin », ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Et dans le verset de Surat al-Tawbah, « Bil mu'minin ra'ufun rahim », avec les croyants, il est compatissant et miséricordieux. Et dans cette parole-là de l'imam al-Qayyim, eh bien, tu dois avoir, donc tu dois savoir comment te comporter. Tu dois savoir comment te comporter avec cet individu-là qui pêche. Cet individu-là qui pêche, eh bien, il ne faut pas que tu sois dans cet état-là où est-ce que tu te moques de lui et tu te moques qu'il est dans le péché. Car tu es sous la menace. Tu es sous cette menace-là du fait que tu risques toi-même de tomber dans ce péché-là avant de mourir. Et donc, on se doit de craindre Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que l'imam Al-Qayyim, rahimallah, avait mentionné « Law sha'a rabbuka » « Si ton Seigneur avait voulu, kunta aydan mithlahum » « Tu aurais été comme eux » C'est-à-dire, tu aurais été comme ce péché-là. « Fal qalb bayna asabi' ar-Rahman » « Le cœur est entre les doigts du miséricordieux » Et lorsque l'on dit les doigts du miséricordieux, comme le prophète Mohammed sallam a dit, eh bien on le dit comme le prophète sallam a dit. Et il est interdit de rentrer dans le comment, ou bien dire, eh bien les doigts sont comme nos doigts, etc. D'accord ? Parce que cela, c'est tomber dans du tashbih, faire des parallèles entre le créateur et la créature, et ceci est strictement interdit. Barakallahu fikum. Donc, on dit, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans rien rajouter, sans rien enlever, d'accord ? Et on atteste ce que Allah Azza wa Jalla a dit, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on ne tombe pas dans ce que le piège des Asha'ira, qui ont modifié le sens de certains versets, par soi-disant une précaution pour ne pas tomber dans l'anthropomorphisme, etc. Alors que ceci n'est pas correct. Donc, tu ne dois pas te moquer de celui qui tombe dans le péché. Tu dois avoir cette miséricorde-là. Tu dois souhaiter pour lui Tu dois souhaiter pour lui, donc qu'Allah le guide. Même le kafir, les savants de la sunna mentionnent, lorsqu'ils expliquent le wala wal bara, qu'il est permis d'invoquer Allah, qu'il les guide. C'est seulement ça qui est permis. Il y a du son ou pas? Est-ce qu'on m'entend? Barakallahu fikum. C'est bon, le son est revenu. Barakallahu fikum. Donc, le kafir, le mécréant, il est permis d'invoquer Allah Azzawajal qu'il le guide à l'islam. Mais il n'est pas permis d'invoquer yani Allah qu'il ait miséricorde sur lui ou lorsqu'il meurt, etc. A'oudou billah, ça c'est strictement interdit et Allah Azzawajal l'a interdit, d'accord? Mais même le kafir, t'imagines que tu dois invoquer, et il est permis d'invoquer Allah Azzawajal qu'il le guide, d'accord? Et là, le son, il est continu ou bien ça coupe, barakallahu fik. Il est ok le son, on m'entend bien. Barakallahu fik, Fahmi, pour le message, mais là, je m'adressais à... Voilà, barakallahu fik, Ziyad sur Paltok. Barakallahu fik. Donc c'est pour cela. Tu dois avoir cette miséricorde envers celui qui pêche. D'accord? Et tu dois te dire que si Allah Azza wa Jal avait voulu, tu aurais pu être comme cet individu-là qui est en train de commettre ce péché. Mais Allah Azza wa Jal t'a préservé de cela, donc tu dois remercier Allah Azza wa Jal pour cela, et tu dois avoir cette miséricorde-là envers celui qui pêche, afin de l'inviter au bien, et non le dénigrer et le rabaisser. حتى حين توقع الحدود وتطبق فهي تطبق على وجه الرحمة. Il dit même lorsque le châtiment dans la législation islamique, lorsque par exemple un individu a commis le zina, et que là on parle dans le cadre où est-ce qu'un pays il applique la sharia d'Allah, et donc il y a eu les quatre témoins qui ont témoigné cela, et que les quatre ont dit la même chose, et il n'y en a aucun qui s'est contredit, donc tout ça c'est devant un juge dans un tribunal islamique bien sûr, et bien même lorsque le châtiment est appliqué, eh bien, il s'applique, hein? فَهَيَّ تُطَبَّقْ عَلَى وَجْهِ الرَّحْمَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِنْتِقَامِ. Ça s'applique, d'accord, avec miséricorde, et non sur le fait de vouloir, yani l'intiqam, vouloir, yani se débarrasser de cette personne-là. رَحْمَ بِهَذَا الَّذِي اسْتَحَقَّ تِلْكَ الْعُقُوبَةِ أَنْ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ إِبْلِيسِ وَالشَّيْطَانِ. Et bien, c'est une miséricorde pour celui donc qui mérite ce châtiment-là, sur le fait que Iblis et le diable donc, eh bien, l'ont mené à ce qu'il devienne quelqu'un donc qui mérite ce châtiment-là, parce qu'il a commis tel et tel péché qui mérite ce châtiment-là. Quel asir min ahbabika idha waqa'a asiran fi aidi al-adou. Eh bien, c'est comme le prisonnier parmi ceux que tu aimes, qui est devenu prisonnier donc dans les mains de l'ennemi. Donc tu souhaiterais donc qu'ils aient cette miséricorde envers lui. Donc cette invocation là de l'imam dans le début de ces quatre règles, eh bien attire l'attention donc sur cette miséricorde là qui doit être éprouvée par celui qui invite la personne à Allah Azza wa Jal. Et on avait vu dans les explications de Cheikh Salah Al-Fawzen que cette invocation là, on se rappelle hein, que eh bien le l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, Cheikh Salah Al-Fawzen avait expliqué que l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallah, eh bien souhaite le bien et souhaite la guider, il souhaite la guider pour celui qui veut cela. C'est pour cela qu'il invoque cette invocation-là. وَالدُّعَاء وَكَانَ فِي مَا دُعَاء أَنَّهُ سَأَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ إِذَا أُعْتِيَ شَكَرْ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرْ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرْ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانَ السَّعَادَةِ. Eh bien, il dit dans cette invocation-là, Dans cette invocation-là, ce que dit le Cheikh, il invoque pour nous, notamment qui lisons et qui l'étudions, eh bien qu'on soit de ceux que lorsque on reçoit d'Allah, eh bien on est reconnaissant, et lorsque l'on en est éprouvé, que l'on soit patient, et lorsque l'on pêche, eh bien qu'on fasse l'istighfar, qu'on demande pardon à Allah. Parce que ces trois-là, dit l'imam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, il dit, parce que ces trois-là, eh bien, c'est le titre du bonheur. Ces trois-là, c'est le titre du bonheur. إذا أعطي شكر لأن العطاء من الله جل وعلا نعمة. Lorsque il reçoit, il est reconnaissant. Il dit parce que le fait qu'il reçoit, eh bien, il reçoit de qui? Il reçoit d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, cela, c'est un bienfait. Wallahu Jalla wa Ala yuhibbu ash-shakirin min 'ibadihi. Et Allah Azza wa Jal aime les reconnaissants parmi ses serviteurs. Wa ash-shukru yakun bilisan al-maqal wa yakun bil-'amal. Et donc il dit ici que le fait que tu sois reconnaissant, eh bien cela se fait avec la langue et avec les œuvres. Comme Allah Azza wa Jal dit: "Anashkur li wa li walidayka." Dans sourate Luqman, verset 14, donc il dit le Cheikh, bel maqal wal amal. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Et dans l'autre verset, a'malu ala Daoud shukran. Comme ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, ô famille de David, de Daoud, œuvrez par gratitude. Œuvrez par gratitude. Hadha min jihat al amal. Donc il mentionne déjà un premier point ici. Bénéfique concernant la reconnaissance. Elle se fait avec la langue et elle se fait avec les œuvres. D'accord ? Elle se fait avec la langue et avec les œuvres. Le Cheikh Salih al-Cheikh Hafidhullah mentionne un autre verset. Washkuru li wa la takfurun. Hadha min jihat al-qawl wa al-amal. Il dit ici, eh bien, dans ce verset qu'il a mentionné, dans la traduction du sens du verset 152 de Sourate al-Baqarah, remerciez-moi et ne soyez pas injuste envers moi. Donc il dit, eh bien, cela, on voit bien ici que c'est avec la langue, avec la parole et avec l'œuvre. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Deuxième point ici bénéfique que rapporte le Cheikh, Hafidhahullah, il dit, on voit bien qu'ici il y a une différence, d'accord ? Une différence entre shukr, qui est le fait de remercier, et alhamd, qui est le fait de louer. Donc il a expliqué que shukr, il se fait par la parole et par l'œuvre, d'accord ? Et il dit que c'est différent de alhamd, qui est le fait de louer. Et ensuite il explique, il dit shukr. Yakun an ni'ma. Le fait que tu sois reconnaissant, eh bien cela, c'est lorsque tu as reçu un bienfait. Wa amma alhamdu faqad yakun li ni'ma aw fi muqabil ni'ma. Wa qad la yakun. Donc il dit, tandis que le fait de louer Allah Azza wa Jal, donc shukr, sois reconnaissant, tu remercies Allah Azza wa Jal par un bienfait qu'il t'a donné. Tandis que le fait que tu le loues, ça peut être par un bienfait que tu as reçu, ou peut-être que par un bienfait que tu n'as pas reçu. D'accord ? Yakun thana'an mubtadiyan. Et donc, ce qu'il y a, c'est que, et c'est ça en fait qui va mentionner ici le Cheikh, la différence entre alhamd ou shukr. Donc, parce que dans le shukr, tu reçois un bienfait, tu es reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Alhamd, tu loues Allah Azza wa Jal. Cela n'implique pas automatiquement que tu as reçu un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Wa shukr yakun bil lisan wa bil amal. Wa amma alhamdu fayakun bil lisan dun al amal. D'accord ? Amin barakallahu fik. Donc il dit, le shukr, le fait que l'on soit reconnaissant, eh bien cela se fait avec la langue et avec les œuvres. Tandis que l'hamd, le fait de louer Allah Azza wa Jal, Il se fait avec la langue, mais pas avec les œuvres. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point bénéfique. في فروق كثيرة معروفة عند أهل العلم فهذا مما ينبغي تدبره وهو أن العبد إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله جل وعلا. Et donc il dit ici que en effet donc la différence qu'il y a eu entre le fait de remercier, d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, on se rappelle, on remercie Allah, cela implique que on le fait avec la langue et avec les œuvres, tandis que le fait que l'on loue Allah Azza wa Jal, ça n'implique pas qu'on a reçu automatiquement un bienfait. Donc, mais le fait de louer Allah, il se fait soit suite à un bienfait qu'on a reçu, ou soit le fait qu'il n'y a pas de bienfait qu'on a reçu, mais il se fait uniquement avec la langue, mais pas avec les œuvres, avec la langue. Et donc il dit, ce point-là déjà on doit méditer dessus. وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدِ إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله جل وعلا. Lorsque l'individu eh bien reçoit d'Allah Azza wa Jal, eh bien il reçoit quelque chose d'Allah Azza wa Jal, eh bien il remercie donc ce qu'il a reçu d'Allah le Très-Haut. وشكر العطاء كما ذكرنا بالقول وبالعمل. Et le fait que tu remercies ce que tu as reçu d'Allah, eh bien, comme nous l'avons précédemment mentionné, eh bien, cela se fait avec la langue et avec les œuvres. أَمَّا بِالْقَوْلِ فَبِأَنْ يُنْسَبْ ذَلِكَ الْعَطَىٰ إِلَى مَنْ أَعْطَاهُ. Il dit, eh bien, concernant, avec la parole, eh bien, c'est le fait qu'il attribue ce qu'il a reçu à celui qui lui a donné. D'accord? C'est qu'il attribue ce qu'il a reçu à celui qui lui a donné. Et qu'il remercie Allah Azza wa Jal donc pour ce qu'il lui a donné. Et qu'il donc ne se tourne pas vers autre que celui qui lui a donné. Donc Allah Azza wa Jal lui donne, eh bien, il attribue ce qu'il a reçu d'Allah, il l'attribue à Allah, c'est Allah qui lui a donné, et qui ne se tourne pas vers quelqu'un d'autre en dehors d'Allah. Comme Allah Azza wa Jal dit, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dans la traduction du sens du verset 53 de Surat al-Nahl, et tout ce que vous aviez comme bienfait provient d'Allah. Et ce qu'Allah Azza wa Jal dit, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. Dans ce qu'Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Dans le verset 83 de Sourate An-Nahl. وَمِنْ جِهَةَ أُخْرَى جِهَةَ الْعَمَلِ. Donc là, le premier point du shukr, comme on avait vu, parce que le shukr se fait, le fait que ce soit reconnaissant, il se fait avec la parole et avec les œuvres. Tandis que le hamd ne se fait, le fait que tu loues Allah Azza wa Jal ne se fait qu'avec la parole. Donc là, il a mentionné le premier point avec la parole. Comment ça? Eh bien, le fait que tu attribues ce que tu as reçu à celui qui t'a donné. Et que tu ne te tournes pas vers quelqu'un d'autre. D'accord? Et il a mentionné sur cela, il s'est appuyé sur les preuves, d'accord, du Qur'an, des versets 53 et 83 de Sourate An-Nahl. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Et dans l'autre verset, dans la traduction du sens des versets, bien sûr, ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Et là, maintenant, il mentionne le deuxième point, toujours dans Shukr, wa min jihat okhra, jihat al-amal. Et bien là, concernant l'œuvre, yakun al-shukr bi isti'mal al-ni'ma fi ma yuhibbu man an'ama biha wasdaha. Et donc il dit, eh bien, le fait que tu remercies Allah Azza wa Jal, comment que tu le remercies maintenant vis-à-vis des œuvres? Vis-à-vis des œuvres. On a compris vis-à-vis de la parole, maintenant, vis-à-vis des œuvres. Eh bien, comment que tu le remercies? Eh bien, c'est que tu utilises ce bienfait-là qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, tu l'utilises dans ce que Allah Azza wa Jal aime. D'accord? Dans ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Tu ne vas pas l'utiliser dans ce qui encourt la colère d'Allah. Donc, les deux points ici que le Cheikh Salah et le Cheikh Hafidullah a mentionné, tu remercies Allah, cela se fait par la parole et par les œuvres. Par la parole, c'est que tu attribues ce que tu as reçu, tu l'attribues à Allah, seul, sans associé, tu ne te tournes pas vers quelqu'un d'autre. Et que le deuxième point avec les œuvres, c'est que tu œuvres avec ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. وهذا مما يحبه الله جل وعلا بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا ولهذا قال وقليل من عبادي الشكور سورة سبا verset 13. Et donc ensuite le Cheikh dit, eh bien il dit ici, c'est parmi les choses les plus énormes que le serviteur puisse faire, notamment c'est que, eh bien, il fait ce qu'Allah Azza wa Jal aime parmi les actes d'adoration, eh bien, qu'il soit un serviteur reconnaissant. Qu'il soit un serviteur reconnaissant. Il dit, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Donc, le serviteur se doit d'être reconnaissant. D'accord ? Wa qala subhana, dhurriya, من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. La traduction du sens du verset 3 de sourate al-Isra. Les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Nuh, avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur reconnaissant. وقال أهل التفسير. Donc là, en fait, avant de dire cette parole-là du Cheikh, il dit, le Cheikh, juste après avoir mentionné le verset, les descendants de ceux, dans la traduction au sens du verset, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Il dit, يعني, يا ذرية, من حملنا مع نوح, إنه كان عبدا شكورا, كان كثير الشكر لله جل وعلا. C'est-à-dire, ô vous, les descendants, ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés avec Nuh, eh bien que l'on sache que Nuh, lui, était vraiment un serviteur fort reconnaissant. D'accord ? Et donc il dit, qala ahl al-tafsir, les gens du tafsir, de l'exégèse, de l'explication, yani du Qur'an, on dit كان إذا أكل الأكل شكر الله عليها. Lorsque il mangeait quelque chose, parce que concernant Nuh alayhi salam, qui était un serviteur fort reconnaissant, parce que lorsqu'il mangeait quelque chose, eh bien il remerciait Allah Azza wa Jal sur cela. وإذا شرب الشرب شكر الله عليها. Et lorsqu'il buvait une gorgée, il remerciait Allah Azza wa Jal sur cela. وَإِذَا اكْتَسَ شَكَرَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ. Et lorsqu'il se couvrait, il remerciait Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il se couvrait, lorsqu'il s'habillait, yani, il remerciait Allah Azza wa Jal sur cela. يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو مما يسره أن يعترف بأنها من الله جل وعلا. C'est-à-dire que Nuh عليه السلام, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que en fait il se désavouait de toute force ou puissance de sa part dans le fait que lorsqu'il mangeait ou lorsqu'il buvait ou lorsqu'il s'habillait, mais eh bien il remettait tout cela, que cela est dû par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc lorsqu'il buvait, eh bien il remerciait Allah, il savait que ça provient d'Allah Azza wa Jal. Il s'habillait, il se couvrait, il remerciait Allah Azza wa Jal, parce qu'il sait que cela provient d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque il buvait, pareil, il remerciait Allah Azza wa Jal, pareil lorsqu'il mangeait, parce qu'il sait que cela ne provient que d'Allah Azza wa Jal. وَبَابَ الشُّكْرِ لَهُ سِلَى بِالتَّوْحِيدِ. Eh bien, cette porte de la reconnaissance a un lien avec le pur monothéisme. وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب كأنه نظر إلى حال الموحد. Subhanallah, il y a une faïda ici très intéressante que l'on se doit de noter. Il dit, eh bien ici, la porte de la reconnaissance a un lien avec le pur monothéisme. Il dit, c'est comme si que, en fait, l'imam, qu'Allah ait miséricorde sur lui, eh bien lorsqu'il a mentionné la reconnaissance avec ce que le serviteur reçoit, et qu'il a mentionné la patience lors de l'épreuve, et qu'il a mentionné la demande de pardon lorsque le péché est commis, eh bien il dit, c'est comme si en fait, c'est comme s'il voyait l'état du pur monothéiste. Le pur monothéiste, celui donc qui sait que tout ne provient que d'Allah Azza wa Jal. Et donc, lorsqu'il reçoit, il va remercier Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il est éprouvé, il sait que cette épreuve-là provient d'Allah Azza wa Jal. Et donc, il va patienter sur cela. Et il ne s'en remet qu'à Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il demande pardon, il demande pardon, il recherche le pardon d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a péché. Donc tout est lié dans cette invocation-là au pur monothéisme. Que le serviteur ne s'en remet qu'à Allah, c'est que tout ne provient que d'Allah, et il sait que le retour sera vers Allah, et donc lorsqu'il pêche, il demande pardon à Allah Azza wa Jal. Il revient repentant. Lorsqu'il est éprouvé, il sait que c'est Allah Azza wa Jal qui l'éprouve. Et donc, lorsqu'il sait que c'est Allah Azza wa Jal qui l'éprouve, eh bien, il va patienter. Et donc, barakallahu fikum, ce n'est pas patienter le fait de se plaindre, ou le fait de dire, oh là là, j'ai ça, ou j'ai pas ça, ou j'ai tel problème et j'ai pas tel truc, telle chose. Tout cela, ce sont des épreuves. Mais celui qui patiente, c'est celui qui sait qu'il est éprouvé, qu'il est dans des situations difficiles, ou qu'il est dans des conditions difficiles, mais il sait que Allah Azza wa Jal l'éprouve. Et on se rappelle que ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné, que lorsqu'il aime son serviteur, il l'éprouve. Et l'épreuve peut être due au fait que Allah Azza wa Jal aime ce serviteur-là, donc il l'éprouve, et ceux qui ont été le plus éprouvés sont les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal. Il suffit de voir Ibrahim alayhi salam, il atteint les 80 ans, et il commence à avoir son premier enfant. Donc ça, c'est une épreuve aussi. Et lorsqu'il a son premier enfant, il voit dans le rêve, parce que vous savez que les rêves des prophètes sont une révélation, eh bien qu'il devait sacrifier son fils Ismaïl, l'enfant qu'il venait d'avoir. Donc, Allah Azza wa Jal l'a éprouvé. Et c'est notre sincérité qui est éprouvée, qui est testée par Allah Azza wa Jal. C'est une vie de test, d'accord ? C'est une vie d'épreuve. Donc tout ça est lié au pur monothéisme. Il sait que lorsqu'il est éprouvé, il va patienter. Il ne va pas commencer à se plaindre et à commencer à dire aux gens, eh bien voilà, eh bien ceci, eh bien ceci, eh bien j'ai pas ça, eh bien... Il sait qu'Allah Azza wa Jal l'éprouve. Donc lui, s'il veut appliquer ce pur monothéisme-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il patiente sur l'épreuve d'Allah Azza wa Jal. Il s'en remet à Allah Azza wa Jal. Il invoque Allah Azza wa Jal. Donc, ça peut être d'une part le fait que Allah Azza wa Jal aime ce serviteur-là, donc il l'éprouve. Mais ça peut être également, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais ça peut être également sur le fait que Allah Azza wa Jal éprouve un individu qui a commis des péchés afin que cet individu-là se remet en question, afin que cet individu-là se remet en question et revienne repentant vers Allah Azza wa Jal. Ou bien, un troisième cas, c'est qu'Allah Azza wa Jal a décrété qu'un individu, qu'un de ses serviteurs, pour être plus précis, aura le niveau du Ferdaous, qui est le plus haut niveau du paradis. Cependant, ce que ce serviteur fait en termes d'œuvre n'atteint pas le niveau du Ferdaous. Donc Allah Azzawajal éprouve cet individu-là, que ce soit le Ferdaous ou un niveau élevé du paradis, hein. Eh bien Allah Azzawajal éprouve ce serviteur-là jusqu'à ce que, parce qu'avec ces épreuves-là, eh bien ça va le purifier, ça va l'élever en degré. Donc, c'est ça la patience sur l'épreuve. Il commet un péché, il revient repentant vers Allah Azzawajal. Il sait que seul Allah Azzawajal pardonne les péchés. Subhanallah. Et une juste entre parenthèses, une faïda, on se rappelle que subhanallah, lorsqu'on fait la salette, et il y a pas mal de frères qui oublient de faire cette sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on termine la salette, on fait l'istighfar, et puis vous savez que fait partie de la sunna de dire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdoulillah, 33 fois Allahu Akbar, et terminer avec 100 en disant La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Donc, ou bien dans une riwaya, mais il y a plusieurs narrations, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdoulillah et 34 fois Allahu Akbar. Et bien, lorsque le musulman dit cela après la prière, Allah Azzawajal lui pardonne tous ses péchés, mais bien sûr, les péchés qui sont mentionnés dans ce hadith-là, ça concerne les péchés mineurs, parce que les péchés majeurs nécessitent une taouba. D'accord? Nécessitent une taouba. Une taouba sincère. Tout comme celui qui prie la prière en groupe. Il y avait un homme qui était venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a prié avec les sahaba. Et donc, une fois que la prière était terminée, il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit qu'il était avec une femme qui était étrangère, qui n'était pas sa femme, et qu'il avait tout fait ce qu'un homme peut faire avec sa femme, excepté qu'il n'a pas eu de yani, relation sexuelle avec cette femme-là. Donc il l'a touchée, tout cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé comme question: As-tu prié avec nous la prière en groupe? Il a répondu oui. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Innal hasanat. Inna al-hasanat yudhibna sayyi'at. Les bonnes œuvres font fuir les mauvaises œuvres, effacent les mauvaises œuvres. Subhanallah. Parce que le fait qu'il a fait la prière en groupe, eh bien cela a effacé le péché qu'il avait commis. Parce que toucher une femme étrangère fait partie des péchés mineurs. Barakallahu fikum. Donc, on voit ici ce que dit le cheikh, donc il est reconnaissant dans ce qu'Allah Azzawajal lui donne. Il sait que cela provient que d'Allah et il remercie Allah Azzawajal pour cela. Il ne va pas se tourner vers autre chose en dehors d'Allah Azzawajal. Il est patient face à l'épreuve et il fait l'istighfar, il demande pardon à Allah Azzawajal lorsqu'il commet un péché. Et il dit, eh bien le cheikh, hafidhahullah, c'est comme si que là, eh bien, il mentionne l'état du monothéiste. Celui qui est monothéiste. Comment, eh bien, il agit. D'accord? Et donc, il s'adresse à lui avec ce que le monothéiste doit tout le temps avoir avec lui. D'accord? Il doit donc patienter face à l'épreuve, remercier Allah Azzawajal lorsque il reçoit et demander pardon lorsqu'il commet le péché. Et on va terminer avec ce point-là, inshallah, parce que ça fait 1 heure. Barakallahu fikum. فإن الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة. Le monothéiste, Allah Azza wa Jal, lui a donné un bienfait que aucun bienfait ne peut lui être égal. ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح أن كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله بالسعادة في الدنيا والآخرة. Eh bien, la ni'ma, que aucune ni'ma, aucun bienfait ne peut l'égaler, le fait que le musulman soit sur l'islam authentique, l'islam correct, et que il soit sur le pur monothéisme sincère, voué à Allah Azzawajal seul, sans associé, Eh bien, c'est cela dont Allah Azza wa Jal, s'il applique cela, dont Allah Azza wa Jal a promis ces gens, à un bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Lorsque l'individu tourne, c'est pour cela, pour terminer sur ce point-là, barakallahu fikum, lorsque l'individu tourne sur ces trois paroles dans l'invocation, Ida u'tiya shakar wa ida adhnaba istaghfar, lorsque Allah Azza wa Jal lui donne, il est reconnaissant. Lorsqu'il commet un péché, eh bien, il revient repentant. Wa ida ibtuliya sabar, et lorsqu'il est éprouvé, eh bien, il est patient. Eh bien, cela, lorsque le musulman applique ce pur monothéisme-là, eh bien, il reçoit cette promesse d'Allah Azza wa Jal, qui est le bonheur dans le bas monde et dans l'au-delà. Il est calme, il est paisible, il sait que tout ne provient que d'Allah Azza wa Jal. Cette épreuve provient d'Allah, il patiente. Il sait que il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qu'il peut lui enlever cette épreuve-là, qu'il peut lui pardonner. Et il sait qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui donne, il ne s'en remet qu'à Allah, il ne demande qu'à Allah Azza wa Jal, et il patiente. Il sait que c'est une vie de test, et que il n'y a qu'au paradis ou qu'il n'y a aucun problème. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. On va s'arrêter sur ce point-là et on continuera, inshallah, mercredi prochain, à la même heure, 22h, sur les explications donc des quatre règles par donc de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimallah, par le cheikh Saleh al-Sheikh, hafidhahullah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair pour votre attention, ainsi que les frères là qui sont sur MixLR à la mosquée du Chemin Vert. Barakallahu fik, akhi Ziyad, ainsi que pour ceux qui ont assisté sur Paltok, le salon La Sunna, qui, je l'insiste, est sur le manhaj des pieux prédécesseurs. Notre voix, c'est la voix des pieux prédécesseurs, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que l'on soit sincère dans cela et qu'il nous maintienne sur la voie droite. Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.